C'est le Far West des Chinois, le Xinjiang, une province qui est donc située à l'ouest de l'Empire chinois et représente un sixième de son territoire. Pour compléter la comparaison, il n'y manque même pas de désert. Mais aussi, comme dans les westerns, il s'y trouve des Indiens. Cela s'appelle les Ouïghours et ce sont des empêcheurs de coloniser en paix. Et surtout, des empêcheurs d'exploiter. Car le Xinjiang, son nom chinois, les autochtones, eux, lui préfèrent l'appellation de Turkestan oriental, est riche, très riche. Son sous-sol recèle de formidables réserves de pétrole et de gaz. Et ces vastes zones désertiques ont permis aux Chinois d'y expérimenter leurs armes nucléaires. Bref, le territoire est l'objet de maintes convoitises. Mais ces Indiens, je veux dire les Ouïghours, n'ont toujours pas accepté la colonisation chinoise qui a commencé au XVIIIe siècle. Une domination qui grignote peu à peu leur territoire, fait de ces turcophones des citoyens de seconde zone et inéluctablement diminue leur poids démographique. Au point que bientôt les Ouïghours seront minoritaires dans leur propre pays. Mais ils résistent, et parfois très violemment. En manifestant ou même en perpétrant des attentats suicides, ils expriment de façon désespérée leur révolte. Mais face au rouleau compresseur chinois, tant policiers que militaires, les quelques millions de Ouïghours sont bien impuissants. Monsieur X poursuit aujourd'hui son récit. Il souligne une donnée essentielle de ce conflit régional. Les Ouïghours sont de culture musulmane, et la répression qu'ils subissent a poussé certains d'entre eux vers la pratique d'un islamisme radical. De là à présenter tous les Ouïghours séparatistes comme de dangereux terroristes, il n'y a qu'un pas à franchir. l'ai dit la semaine passée, dans l'histoire du Xinjiang, l'année 1997 a constitué un véritable tournant. C'est l'année où Pékin a lancé sa campagne frappée fort contre la criminalité. Les criminels étant bien sûr les nationalistes ouïghours coupables de résister à la colonisation de l'ethnie dominante en Chine, les Han. Et les dirigeants chinois ont dévolu cette tâche au corps de production et de construction. Une organisation tentaculaire et toute puissante qui s'occupe aussi bien du développement économique que de l'appareil sécuritaire. Ouais. Mais vous avez dit que déjà la population ouïghour était sévèrement surveillée. Alors, que pouvait-on faire de plus ? À Pékin, on a pris conscience que le danger venait de la religion, l'islam, qui fédérait les contestations. Et qui subissait l'influence de militants de plus en plus radicaux, hein, certains ayant même été entraînés dans les zones tribales du Pakistan. Mais une influence qui a naturellement été exagérée par le pouvoir central, qui avait tout intérêt à criminaliser les actions violentes des nationalistes du Xinjiang. Par conséquent, cette nouvelle campagne de répression a visé en priorité les activités religieuses, afin de mieux les contrôler. Et d'abord, bien sûr, l'enseignement de l'islam. Ainsi, il a été décidé de ficher tous les citoyens qui avaient suivi des formations dans des écoles religieuses. Les établissements ont été aussi surveillés plus étroitement. Et on a multiplié les restrictions administratives concernant les autorisations d'exercer leur enseignement. De même, comme on a eu peur que ces écoles ne s'établissent illégalement chez les particuliers, le pouvoir a ordonné l'interdiction de réunions dans les habitations. Une décision qui, parmi d'autres, a mis le feu aux poudres en cette année 1997. Bon, concrètement ? Au début février, le jeune Ouïghour organise une série de rassemblements pacifiques dans la ville de Gulja, que les Chinois appellent Yening, au nord-ouest de la province. Et que veulent-ils ? Ils sont exaspérés par l'interdiction qui leur a été faite de célébrer des meshreb, c'est-à-dire des fêtes ouïghours coutumières. Une décision qui n'est pas étonnante en soi, car les autorités font en sorte d'éradiquer toutes les manifestations extérieures des traditions culturelles ouïghours. Mais rapidement, la situation dégénère. Bientôt, c'est l'émeute. La police tire à balles réelles sur la foule. Et le bilan ? Officiellement, on compte 9 morts et une centaine de blessés. Ouais, officiellement, mais officieusement. Il y aurait eu en réalité plusieurs dizaines de victimes chez les manifestants. La répression a donc été brutale, ponctuée de nombreuses et graves exactions policières. Et elle est suivie par des milliers d'arrestations parmi les activistes ouïghours, dont certains seront condamnés à mort et exécutés. Et va-t-on assister à des représailles ? Forcément. Fin février, dans la capitale du Xinjiang, Urumqi, une cérémonie est organisée à l'occasion des funérailles de Deng Xiaoping. 4 bombes explosent dans des autobus de plusieurs lignes. On relève 9 morts et 74 blessés. Et ces attentats sont-ils revendiqués ? Oui, par un groupuscule d'opposants. Riposte de Pékin ? Ce que le pouvoir central craint par-dessus tout, c'est l'effet de contagion. Et sa réponse est toujours la même. Oui, encore plus de répression. En effet, le pouvoir chinois ne connaît pas d'autre solution. Mais ici, il me faut évoquer une figure exceptionnelle. Celle d'une femme qui va, toute seule, tenir tête aux autorités. Et pourtant, rien ne la destinait vraiment à tenir ce rôle courageux et quasi suicidaire. Et qui est-ce, hein ? Elle s'appelle Rebiya Kader. Elle est née en 1947, dans une famille très pauvre du Xinjiang. Elle est ouïghour. Oui, ouais. Selon la coutume, elle a été mariée à l'âge de 15 ans et a donné naissance à 11 enfants. Mais elle divorce. Elle est alors jetée à la rue avec sa progéniture. Et à partir de là, contre toute attente, elle commence une nouvelle vie. Au lieu de sombrer dans la misère, cette femme qui n'a exercé que le métier de mère de famille se lance dans le commerce. Manifestement, elle a la bosse des affaires. Car bientôt, elle va bâtir à partir de rien une boutique de 4 mètres carrés, un véritable empire commercial et immobilier qui s'étend dans toute l'Asie centrale. C'est si vrai qu'elle devient richissime et possède désormais l'une des plus grosses fortunes de Chine. C'est une ascension assez prodigieuse. Hein. Et qui lui vaut d'être remarquée par la presse et le pouvoir. Ah, mais qui espère en faire peut-être une alliée dans le processus de développement de la province. Très certainement, car sa réussite est exemplaire. En 1990, elle est donc nommée à l'Assemblée nationale consultative qui siège place Tiananmen. Et son entrée ne passe pas inaperçue. Pourquoi ? Parce qu'elle ne fait pas mystère de sa richesse. Elle arrive avec cape et toque de zibeline et parée de bijoux ouïghours en or. Mais Pourquoi tant d'ostentation ? Je pense qu'il y a déjà chez elle la volonté de montrer qu'une Ouïghour peut en remontrer aux Chinois. Oui, d'accord. Mais est-elle déjà engagée politiquement ? Non, contrairement à son second mari, un intellectuel, qui a connu les camps chinois et n'a pas pour autant abandonné le combat politique pour le droit des Ouïghours. D'ailleurs, il finira par s'exiler aux États-Unis en 1996. Rébilla, si elle ne s'engage pas aussi directement, mène de nombreuses actions sociales et philanthropiques, en particulier en offrant des microcrédits à des milliers de mères de famille. Oui, là, c'est sans doute sa façon à elle de s'engager. Sans doute. Mais c'est ce que déclarera plus tard le numéro 1 du PC du Xinjiang. Elle aurait promis, avant de devenir députée, de se tenir à l'écart de la politique. Ce qui me semble quand même paradoxal, non ? Mais cet apparatchik que voulait seulement parler de politique au Xinjiang même. En tout cas, sous l'influence de son époux, Rébilla commence à soutenir discrètement la cause des Ouïghours. Et donc malgré sa position quasi officielle. Oui, mais après les massacres de février 1997, elle réalise qu'elle est obligée de descendre dans l'arène. Ouais. Et comment alors, va-t-elle procéder ? D'abord, elle enquête, elle recueille des témoignages. Et plus elle progresse, plus elle est choquée et même révoltée. Aussi, décide-t-elle de profiter de son statut politique et aussi de sa position économique pour agir et dénoncer la condition des Ouïghours. Fin mars 1997, il est prévu qu'elle prenne la parole devant ses 3000 confrères de l'Assemblée du peuple. Comme le veulent les juges politiques en cours, elle transmet quelques jours plus tôt le texte de son discours au cadre du Parti communiste. Ah, une façon de s'assurer qu'elle est bien dans la ligne. Et effectivement, le discours qu'elle transmet est un panégyrique de l'action du régime au Xinjiang, qui a pris bien soin de respecter ses minorités, tout en développant économiquement la province. Oui, mais j'imagine que ce n'est pas le discours qu'elle va prononcer. Non, mais personne à part son interprète, qui traduira ses propos en chinois devant l'Assemblée, n'est au courant. Ouais. Elle a donc décidé de ruser pour contourner la censure. Mais elle pourrait être interrompue lors de sa lecture. Non. Le règlement de l'Assemblée stipule qu'un orateur qui a commencé un discours doit être autorisé à aller jusqu'au bout. Ah bon ? Alors comment ça se passe ? Rébilla Kader, très applaudi, monte à la tribune et pendant une demi-heure lit d'une traite son discours devant une salle bourrée à craquer. Car il n'y a pas que des députés. Des journalistes, les membres du gouvernement et le président Jiang Zemin sont présents. Celui-ci est même installé derrière l'oratrice. Alors ce discours ? C'est un acte d'accusation en bonne et due forme contre l'action du pouvoir au Xinjiang. Tous ces méfaits sont passés en revue. L'expropriation des paysans à qui on vole leurs terres arables, leur transfert forcé dans les usines du Sud, l'extrême pauvreté et le génocide culturel qui est en cours. Les campagnes publicitaires pour attirer dans les villes chinoises des jeunes filles ouïghours promises à travailler dans les maisons closes. L'incroyable différence de traitement entre Chinois et Ouïghours en matière de droit, d'école, de salaire, et aussi les exactions policières. Tuer quelqu'un, dit-elle, est devenu aussi banal qu'abattre un oiseau. Et un discours donc d'une extrême violence, et comme les députés chinois n'en ont sans doute jamais entendu. Et attendez, ce n'est pas fini. Rébilla évoque encore l'existence de milliers de prisonniers politiques. Et elle feint de s'étonner pourquoi le gouvernement fait-il émigrer les malades du sida de toute la Chine vers les villes ouïghours. Et enfin, elle termine par un vibrant plaidoyer pour l'octroi d'une réelle autonomie pour sa région, seule à même d'assurer la paix au Xinjiang. Et comment alors a-t-on accueilli ce discours ? Eh bien, il a été applaudi durant plusieurs minutes. Au grand étonnement de Rébilla, tous les membres du gouvernement, le président Zemin en tête, sont venus la féliciter. Mais le retour de bâton n'allait pas tarder. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Presque 20 ans plus tard, le journal Le Monde revient sur ce moment extraordinaire sous la plume d'Annick Cojon. Récit. La salle applaudit à tout rompre. Et le président Jiang Zemin, ses ministres sur les talons, vient lui prendre les mains et la complimenter avant de disparaître. Elle en rit encore. Quelle hypocrisie ! Il y a une expression ouïghour pour décrire ce type de situation. Une bombe recouverte de chocolat. Il fallait bien que les cadres gardent la face devant le Parlement. Mais je pressentais qu'il me ferait payer très cher mon audace, que je perdrais ma fortune et ma liberté, que je risquais de ne plus revoir mon mari et que mes 11 enfants allaient probablement souffrir. Je savais tout cela, mais je devais parler, je le devais au peuple ouïghour. J'étais devenue une femme célèbre, la plus riche de Chine. Et je savais que ma voix porterait dans tous les recoins du pays, peut-être même à l'étranger. Alors, je n'avais pas le droit de me dérober. Ribillien Kader, lorsqu'elle prend le chemin du retour, est cueillie dès sa sortie de l'avion à Urumqi, la capitale. Elle est aussitôt amenée au bureau des services secrets où on lui annonce qu'elle est déchue de toutes ses responsabilités politiques. Puis on lui confisque son passeport. Elle ne peut plus se déplacer. Et elle est suivie en permanence. Mais j'imagine qu'aux yeux de ses compatriotes, elle est devenue une héroïne. Bien entendu, et malgré la censure qui a bloqué les informations sur son exploit. Alors que fait-elle ensuite ? Elle n'est pas décidée à demeurer inactive. Alors que les lois répressives se multiplient au Xinjiang, elle collecte des témoignages sur les violations des droits de l'homme dans la province. Et profitant de la visite d'une délégation de parlementaires américains, elle fait parvenir le tout à son époux qui s'est exilé un an plus tôt aux États-Unis. Ah oui, ça c'est la faute qu'attendaient les autorités. Exactement. Parce qu'on va pouvoir l'accuser de divulgation de secrets d'État. Après avoir tenté une manœuvre radicale pour l'éliminer. Radicale, c'est-à-dire ? Un faux accident de voiture. Mais avec cette transmission de documents, les services chinois vont donner une apparence plus légale à leur désir d'en finir avec elle. Rebiya Kader est arrêtée, interrogée, menacée de condamnation à mort. Et finalement, elle écope d'une peine de 8 ans de prison. Une détention très dure qui, sous la pression des autorités états-uniennes, se terminera au bout de 6 ans. Elle sera expulsée. Oui, vers les États-Unis où elle va retrouver son mari. 6 de ses enfants ont été autorisés à la suivre. Mais les 5 autres sont retenus au pays. Ouais, des otages, en somme. Qui seront chacun à leur tour arrêtés, torturés et obligés d'attaquer publiquement leur mère. Enfin, mais ça ne vous étonnera pas, tous les biens qu'elle possède en Chine ont été confisqués. Et qu'est devenue cette héroïne alors ? Depuis son exil américain, elle a fédéré les diverses organisations de la diaspora ouïghour. Et cette femme aux longues tresses grises, aujourd'hui présidente du Congrès mondial ouïghour, porte inlassablement la voix de son peuple opprimé à chaque fois que l'occasion lui en est donnée. Et régulièrement, Pékin l'accuse d'encourager, sinon d'orchestrer, le terrorisme au Xinjiang. Oui, car la contestation violente et son corollaire, la répression, continue. Bien évidemment. Et régulièrement, les autorités chinoises lancent de nouveaux plans. Et seuls les slogans changent. Ainsi, début 1999, c'est la campagne de combat spécial de 100 jours, dite « frappez fort ». Puis, quelques mois plus tard, c'est la campagne générale contre le terrorisme. Et à nouveau, 2 ans plus tard, frappez fort. Ensuite, en 2001, on parle de campagne contre le séparatisme. Les slogans changent, mais pas la volonté de réprimer. Mais ça prouve en même temps qu'en dépit des efforts chinois, la résistance ouïghour se poursuit. Et pourtant, les services de sécurité frappent toujours plus fort. Les arrestations se comptent par milliers et la torture est généralisée, tandis que les condamnations à mort se multiplient. Au Xinjiang, la peine capitale frappe 10 fois plus de condamnés que pour le reste de la Chine. Oui, où déjà on fait un usage immodéré des exécutions. Et le Xinjiang, comme le Tibet, voit ses frontières fermées. En même temps, c'est presque obligatoire, les tensions ethniques ne cessent de croître. À tel point qu'un intellectuel chinois, Wang Lixiong, peut déclarer dans un livre naturellement interdits, mais diffusés sur le web, que les Hans sont désormais les gardiens d'un peuple otage. Comprenez celui des Ouïghours. Arrive 2008. Ah oui, ça c'est l'année des JO à Pékin. Hein. Les autorités peuvent craindre le pire, ou en tout cas le font savoir. Une catastrophe aurait été évitée de justesse. Des terroristes ouïghours auraient tenté de faire s'écraser un avion assurant la liaison entre Urumqi et Pékin. Vrai ou faux, je ne le sais. Par contre, il est certain que 3 attentats provoquent la mort d'une trentaine de personnes à Kashgar. Et en 2009, un degré supérieur est franchi. C'est-à-dire ? En juillet, des manifestations d'Ouïghours à Urumqi dégénèrent en pogroms dirigés contre les Han. Une violente répression s'ensuit. On relève 200 morts. Et comme c'est un chiffre officiel, on peut facilement imaginer qu'il a été minoré. Mais pour la première fois, ce nouveau massacre déchaîne un concert de protestations dans le monde islamique. Même dans des pays qui entretiennent des relations étroites avec Pékin. En Turquie, par exemple, au nom de la solidarité pan-turquiste, on observe d'impressionnantes manifestations dans les rues d'Istanbul. Ouais, la Chine est dénoncée. Et accusée de génocide au Xinjiang, selon les mots même du Premier ministre Erdogan. Ce mot « génocide » dans la bouche d'un homme qui a toujours refusé de reconnaître le génocide arménien me semble un peu indécent. Vous avez raison, et Pékin ne manquera pas de le lui rappeler. Mais cette réaction violente s'explique par le fait qu'il existe en Turquie la plus grosse diaspora ouïghour, quelque 300 000 personnes, après celle d'Asie centrale. On entend même dans les manifestations des appels au boycott des produits chinois, alors que le Xinjiang est un gros marché pour le commerce turc qui ne cesse de s'y développer. Ouais. Donc, enfin, je le pense, hein, commerce oblige, la colère turque retombera rapidement. Autre soutien, mais plus embarrassant pour les Ouïghours, ACMI, c'est-à-dire Al-Qaïda au Maghreb islamique, affirme vouloir s'en prendre aux intérêts et ressortissants chinois présents en Afrique pour venger la mort des Ouïghours de Chine. Ouais. Ceci s'en serait peut-être volontiers passé. Hein. Je le crois. D'autant que le pouvoir chinois n'a déjà que trop tendance à ranger les nationalistes ouïghours dans la mouvance terroriste internationale. Surtout, évidemment, depuis le 11 septembre 2001 et les attentats de New York. En tout cas, et ça ressemble à un constat d'échec, Pékin prend une grande décision. L'inamovible secrétaire régional du Parti communiste du Xinjiang est viré. Un bouc émissaire ? Ah, plus que ça. Wang Lequan, qui régnait depuis 1994 sur le Xinjiang, avait de grandes responsabilités. Éminence grise du président chinois, Hu Jintao. Pour les questions ethniques, il contrôlait toute l'économie du Xinjiang. Non seulement il abusait du népotisme et avait casé enfants et proches à la tête des principales sociétés de la région, mais c'était aussi un ardent partisan des méthodes musclées pour régler la question ouïghour. Ouais, un dur. Qui avait voulu faire du Xinjiang la vitrine de sa prétendue méthode de pacification des minorités. Une pratique qui conjuguait industrialisation à marche forcée, strict contrôle de la religion, marginalisation des cultures minoritaires et surtout importation massive de colons chinois. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Pour lui, ça portait un nom, le vol du pan vers l'ouest. Une expression poétique pour une politique qu'il était beaucoup moins. Hein. Ah oui, car pour Wang, rien n'était plus important qu'une vision policière de la société. Dans son fief du Xinjiang, il en a donné maints exemples. À Urumqi, capitale de 3 millions d'habitants, on trouve une caméra de surveillance tous les 300 mètres. Voitures et piétons y sont flashés 24 heures sur 24. Il a aussi mis en place un redoutable réseau d'espions ouïghours. Autant de mesures qui ont provoqué de vives réactions dans la population. Des protestations spontanées qui, au moins au départ, n'ont pas grand-chose à voir avec le séparatisme ou le terrorisme. Les deux plaies du Xinjiang, selon le régime. Mais ces mesures coercitives, là, les ont aussi alimentées. Forcément. Et malgré Wang et ses émules, la litanie des violences s'est poursuivie. En juillet 2011, un commissariat est attaqué au couteau. Il y a 20 morts. Puis à la fin du même mois, à Kashgar, de jeunes Ouïghours s'en prennent toujours, avec des couteaux, à des commerçants chinois, tandis qu'un autre poignarde des passants après avoir lancé un camion dans la foule. Bref, rien ne semble pouvoir arrêter la violence. Et surtout pas les réponses musclées. Or, le régime persiste dans cette voie. Depuis 2012, il a mis en place des forces spéciales avec la participation d'un contingent de Ouïghours. Ouais, des collabos, en somme. Oui. Ces unités armées procèdent à des perquisitions systématiques. Appelées en renfort, au moindre incident, elles ont pour mission de frapper, et même au besoin de tuer, ce que la diaspora ouïghour appelle dorénavant des exécutions extrajudiciaires. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. En août 2011, l'envoyé spécial de Libération se rend dans le Xinjiang sur fond de violence. Il recueille ce témoignage parmi d'autres. La femme qui parle est une Ouïghour à la retraite qui a occupé de hautes fonctions. Ces violences sont le symptôme d'un profond malaise dû à la migration massive des colons chinois, à la discrimination à l'emploi et aux brimades. La police réprimande ceux qui se promènent dans la rue en habits traditionnels. Les fonctionnaires ne peuvent porter ni la barbe ni la moustache et toute activité religieuse leur est interdite sous peine de graves sanctions. Pour les étudiants, observer le ramadan vaut une expulsion immédiate. Mais rien ne les arrêtera. Tout est fait pour nous faire plier. Nous serons assimilés comme les Mandchous et bientôt les Mongols et les Tibétains. On peut être arrêté n'importe quand. La peur fait partie de notre quotidien. Alors il faut bien répéter les slogans pour éviter les ennuis. Mais au fond de leur cœur, tous les Ouïghours veulent l'indépendance. En mars 2013, avec l'arrivée au pouvoir d'un président à poing, Xi Jinping, la chape de plomb s'alourdit encore un peu plus sur la région. Du printemps à l'automne 2013, les affrontements entre militants ouïghours et fonctionnaires provoquent une centaine de morts. Mais tous ces incidents sont passés sous silence. Toutefois, celui-ci ne peut être dissimulé, parce qu'il a lieu sur la place Tiananmen, fin octobre. Je pense que vous vous en souvenez. Le 4x4 qui fonce dans la foule des touristes. Qui en tue deux et en blesse des dizaines d'autres. À bord, il y avait trois personnes qui sont mortes quand leur véhicule bourré de jerrycans d'essence s'est écrasé contre une barrière de sécurité. Ça ressemble donc à un attentat suicide. Hein. Tout à fait. Et on ne tardera pas à apprendre que les passagers du 4x4 étaient des Ouïghours. Des terroristes, selon un communiqué officiel. À noter quand même que la presse chinoise se fera très discrète sur l'affaire. Pourtant, il s'agit de la première incursion de la violence ouïghour hors du Xinjiang. Et c'est un signal inquiétant. Tandis qu'au Xinjiang, même, ça va de mal en pis. En décembre 2013, par exemple, deux policiers ouïghours sont tués à l'arme blanche dans un village. Des fouilles sont pratiquées dans les maisons. Dans l'une d'elles, un officier lève le voile d'une femme. Les hommes de la famille réagissent en massacrant les policiers. Bilan, 14 morts, dont 6 femmes. Ça signifie en tout cas que le climat est de plus en plus explosif. Certainement. Au cours de l'année 2013, on comptabilisera entre 130 et 210 morts. Et 2014 commence bien mal avec l'arrestation d'Ilham Tohti, la seule personnalité ouïghour indépendante qui pouvait encore s'exprimer avec une relative liberté. Et qui est ce Tohti ? Cet économiste enseignait à l'Université centrale des nationalités de Pékin. Et autrefois, il animait un site d'information sur le Xinjiang. Site qui a été bloqué en 2009, l'année des émeutes meurtrières à Urumqi. Tohti avait en effet établi, avec beaucoup de difficultés, une liste de 37 noms de disparus. Et il avait osé demander publiquement l'ouverture d'une enquête officielle. Ouais, ce qui n'a pas dû plaire. Il lui a valu depuis d'être surveillé en permanence. Et il a donc été arrêté il y a quelques mois. Que lui est-il alors reproché ? Ses idées, bien sûr. Pourtant, Tohti ne revendique pas l'indépendance du Xinjiang. Ce n'est pas un séparatiste. Non, mais cet universitaire prudent était plutôt un lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'il essayait d'avertir le pouvoir central sur les mauvaises manières des autorités du Xinjiang, qui déformaient les faits et présentaient une vision partielle et partiale de ce qu'il s'y passait. Il était même si peu extrémiste que dans une ultime interview, il affirmait garder l'espoir qu'un jour viendrait où le dialogue avec les Chinois s'imposerait. Mais il ajoutait, au préalable, il faudra que la Chine passe par la case démocratie. Démocratie, c'est un mot qui écorche les oreilles des dirigeants chinois, ça. Et c'est sans doute cette dernière phrase qui a légitimé son arrestation et son accusation pour séparatisme. Alors qu'il n'a jamais réclamé l'indépendance du Xinjiang. Peu importe, on lui reproche d'avoir utilisé des questions sociales brûlantes pour attiser le mécontentement vis-à-vis de la politique officielle. Donc, il a nui à l'unité entre les groupes ethniques. Il n'en faut pas plus pour être accusé de séparatisme et d'être traité avec une brutalité extrême. Toti est jeté dans une cellule étroite où il reste privé de nourriture parfois durant plus de 10 jours d'affilée. D'autre part, les fers qui l'enchaînent en permanence le blessent. Et en l'absence de soins, il risque la gangrène. Autre injustice, le pouvoir a remis au goût du jour les confessions forcées. C'était une pratique, ça, qui était largement répandue lors de la révolution culturelle. Oui. Par conséquent, certains étudiants de Toti, arrêtés à leur tour, ont dû accuser publiquement leurs professeurs lors d'émissions télévisées. À noter aussi que Toti n'est pas le seul intellectuel emprisonné au Xinjiang. On y trouve aussi un nommé Abdouweli Ayoub. Ce linguiste, après des études aux États-Unis, est revenu chez lui pour monter tout à fait officiellement une école d'enseignement du Ouïghour. Ça ne l'a pas empêché d'être arrêté au motif qu'il aurait illégalement collecté des dons. Ces affaires montrent en tout cas que le gouvernement chinois a peut-être encore plus peur de personnalités comme Toti et Ayoub que des terroristes violents. Ouais. Mais pour en revenir là-haut, au seul cas de Toti, que lui est-il arrivé ensuite ? Il a fini par être jugé en septembre dernier. Il a été déclaré coupable de collusion avec la presse étrangère pour avoir simplement accordé des interviews à des correspondants étrangers. Et sa condamnation a été exemplaire. Il a écopé d'une peine de prison à perpétuité, assortie de la confiscation de tous ses biens. Mais alors, quelle leçon peut-on tirer d'une condamnation aussi disproportionnée ? Ça rejoint ce que je vous disais il y a un instant. Les Chinois refusent de considérer qu'il pourrait y avoir des militants ouïghours modérés. Pourquoi ? Mais parce qu'on pourrait leur reprocher de ne pas dialoguer avec ces modérés. Ouais. Donc pour eux, il ne peut exister que des Ouïghours paisibles, tous les autres étant assimilés à des séparatistes. Qu'il faut combattre avec la plus grande fermeté. Il ne peut donc y avoir de juste milieu. Mais revenons un tout petit peu en arrière. L'année que nous venons de vivre a été particulièrement meurtrière en Chine, du seul fait de la rébellion Ouïghour. Au début mars, 29 personnes ont été tuées à l'arme blanche, dans la gare de la capitale du Yunnan, Kunming. Donc, encore un attentat perpétré en dehors du Xinjiang. À plus de 1500 kilomètres, oui. Et il s'agit là de l'un des attentats les plus sanglants jamais perpétrés en Chine. Et le modus operandi a été très spectaculaire. Une dizaine d'hommes et de femmes, vêtus de noir, visages masqués, armés de couteaux et de dagues, ont participé à l'action. 4 d'entre eux ont été tués par la police, mais les autres ont réussi à s'enfuir. Détail, les assaillants ont laissé sur place un drapeau bleu marine, orné d'un croissant et d'une étoile, avec l'inscription « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah ». Y a-t-il eu une revendication ? Oui, quelques jours plus tard. Le TIP, le parti islamique du Turkestan, a revendiqué l'attentat dans une vidéo sur Internet. On y clamait que la Chine devait reconsidérer, je cite, « ses politiques cruelles au Turkestan oriental ». Et sait-on ce que dissimule là, cette nouvelle organisation ? Très peu de choses, car Pékin se montre extrêmement discret sur le sujet. Alors, on sait quand même qu'elle est dirigée par un certain Abdullah Mansour, un fondamentaliste ouïghour retranché dans les zones afghano-pakistanaises sous contrôle des talibans. Ce groupuscule n'avait jusqu'alors pas été vraiment pris au sérieux. Mais 2 de ses responsables avaient été liquidés par des drones américains. Mais dorénavant, alors, il va falloir compter avec ce TIP. Là. Qui a pris la succession du groupe indépendantiste le MITO, mouvement islamique du Turkestan oriental, dissous après la mort de son fondateur, Hassan Maksoum. J'ajoute que le TIP a promis de nouvelles actions violentes en Chine. Ce qui a été le cas ? Oui, fin avril. Un nouvel attentat à la bombe et au couteau s'est produit à la gare d'Urumqi. On a dénombré 3 morts, dont 2 assaillants et plusieurs dizaines de blessés. Et c'était le TIP ? Oui, parce que dans une nouvelle vidéo, le mouvement a félicité, je cite encore, « l'action de nos frères Moudjahidines ». Il faut préciser que cet attentat a été perpétré le dernier jour d'une visite du président Xi Jinping au Xinjiang, lequel Xi Jinping venait de déclarer que la région restait un endroit sûr pour les populations d'origine Han. Cruel démenti. D'autant que le lendemain devait être inaugurée l'ouverture d'une nouvelle ligne de chemin de fer entre Urumqi et les deux villes les plus emblématiques de la présence Han au Xinjiang. L'immense ville-colonie de Jiezi et Karamei, la ville du pétrole. Mais comme d'habitude, la population chinoise n'a pas eu connaissance de l'attentat. Les événements du Xinjiang font l'objet d'une censure rigoureuse. On en a eu une autre preuve à la mi-mai, quand trois cadres dirigeants d'une entreprise d'État chinoise en poste dans la région de Cachemire ont été assassinés lors d'une partie de pêche. Seule Radio Free Asia a diffusé l'information. C'est une radio américaine, hein ? En effet. Enfin, il faut souligner que deux jours avant l'annonce du verdict condamnant le professeur Toti, une série d'attaques à l'explosif ont provoqué 50 morts, parmi lesquels il y aurait eu 40 terroristes ou présumés tels. Ce qui est frappant, c'est que ces actions sont de même nature que celles qui sont attribuées ailleurs aux terroristes islamiques. Et le danger est que le TIP et les autres mouvements semblables ne finissent par tomber sous la coupe de groupes comme Daesh. Dans ce cas, la Chine deviendrait un nouveau théâtre pour les organisations djihadistes. Au risque de déconsidérer le combat pacifique et légitime des pacifistes ouïghours. Comme Toti, Oribia, Kader. Mais ça ne peut pas réellement contrarier les dirigeants de Pékin. Plus les terroristes ouïghours font preuve de cruauté aveugle et plus ils semblent assurés de leurs bons droits lorsqu'ils assujettissent la population autochtone du Xinjiang. Cette émission a été réalisée par Stéphane Combe et Michel Biou, mixée par Basile Bocquer, mise en musique par Monsieur Joub et préparée par Rebecca Denande qui a vu un célèbre documentaire. Oui, le documentaire « Fleuve » de Joris Evans et Marceline Loridan sur la Chine, tourné dans les dernières années de la Révolution culturelle. Comment Yukong déplaça les montagnes. Une petite partie est consacrée aux Ouïghours et c'est passionnant de découvrir un territoire filmé à l'époque pour la première fois par des Occidentaux. Le film était une commande du ministre Zhou Enlai et la propagande du régime y est omniprésente, donnant à l'ensemble un côté art et tradition populaire sous l'égide du bon Mao. Le documentaire est sorti en France en 1976 et il aura un immense succès. Et le coffret est disponible chez Arte Éditions. Merci, vous pouvez nous retrouver bien sûr et communiquer avec nous sur franceinter.fr. À samedi prochain et tout de suite, Denis Chessou.